segment francophone de l'émission ce soir, Hamzat Boukhari, collaborateur au Grilla, nous offre une entrevue avec Elom Kossi, un artiste engagé pour l'émancipation des consciences et originaire de Lomé au Togo. Alors, je me trouve en ce moment à Paris avec Elom Kossi. Donc, Elom Kossi, vous êtes un rappeur originaire de Lomé au Togo. Vous rappez depuis une dizaine d'années. Vous avez déjà sorti plusieurs disques. Donc, en 2010, un premier EP qui s'intitule Légitime Défense. Et puis, vous avez sorti votre premier album analgésique en mars 2012. Alors, j'ai eu l'occasion de l'écouter en long et en large. C'est un album de 15 titres extrêmement engagés dans l'histoire de l'Afrique, qui mettent en avant des points méconnus de l'histoire du continent et qui font la part belle aux combattants de l'histoire de l'Afrique. Alors, la première chose que j'aimerais vous demander, Elom Kossi, votre nom d'artiste est donc Elom Vance. Vous vous présentez comme un griot contemporain qui essaye de cicatriser à travers l'art oratoire et l'écriture les profondes plaies de l'Afrique. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter davantage et un peu nous expliquer votre démarche? Qu'est-ce qui vous a amené à vous engager dans le rap et à faire du rap engagé et conscient? Ok, merci pour l'opportunité que vous me donnez. C'est Elom Vance, Vance parce que mon nom de baptême c'est Venceslas. Et Vince, c'est le nom, on m'appelle Vince, donc j'ai gardé mes vrais noms. Mais aujourd'hui, comme je le dis souvent, je me sens plus représenté par le nom Elom Kossi, parce que c'est mes vrais noms et ça a une signification pour moi. Je ne sais pas ce que ça veut dire Vince, mais bon, par respect à mes parents qui m'ont donné ce nom, je l'ai gardé. J'ai commencé à rapper depuis une dizaine d'années et j'ai découvert le rap à travers des morceaux de MC Solar, de Natty by Nature. Mais en faisant ma petite culture, j'ai compris que c'est un art qui est noble dans le sens où il permet de dénoncer plein de choses. Et je trouve qu'en Afrique aujourd'hui, avec l'expansion des médias, ce moyen peut être un moyen important pour défendre des causes qui sont liées à l'Afrique et des causes humaines tout simplement. Donc, très, très bien. Ben, votre premier album, en fait, il s'intitule « Analgésique ». Donc déjà, d'où vient ce nom de titre, analgésique? C'est assez surprenant, ça fait penser à un médicament. Et d'autre part, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du label qui a produit votre album? Qu'est-ce que c'est que le label Asrafo Records? Asrafo Records, c'est un label qu'on a monté entre potes. L'idée de ce label, c'est de porter haut l'Afrique, tout simplement, à travers des œuvres musicales, à travers des événements. Donc Asrafo, en fait, ça veut dire guerrier. Et on les retrouve au Togo, au Bénin, un peu en Côte d'Ivoire et au Ghana aussi. Et des fois, ça devient Ablafo, des fois, ça devient Asafou. La connotation diffère un peu, mais ça veut dire la même chose, c'est des guerriers. Et ce n'est pas que des guerriers qui vont au combat, mais c'est des guerriers, des prêtres, des guérisseurs, etc. Donc, c'est le nom qu'on a donné pour donner un côté panafricain au label, pour ne pas dire qu'on veut simplement se baser au Togo. Donc, l'idée pour nous, c'est de monter un label pour faire des événements, pour conscientiser les jeunes Africains sur les défis majeurs auxquels nous faisons face, mais également revenir souvent sur notre histoire pour mieux la connaître, parce qu'on ne connaît pas notre histoire. Sérieusement, on ne la connaît pas. On nous enseigne plein de choses à l'école, certes, mais je ne pense pas que l'essentiel nous est donné. Très bien. Donc, dans votre travail de conscientisation, de mobilisation, d'éveil de la jeunesse africaine, quels sont en fait les programmes que vous mettez en œuvre concrètement? J'ai entendu parler par exemple de l'arctivisme, qui est un mot qui contracte en fait les mots art et activisme. J'ai également entendu parler du projet Ciné-Réflex, qui condense les mots cinéma et réflexion. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer quel est le but de ces deux activités, comment elles sont conçues et quels sont les objectifs? Voilà. Comme vous l'aurez remarqué, tout de suite on parle de analgésique. On aime bien créer les mots, ce néologisme-là. Analgésique par rapport à l'analgésique pour calmer les douleurs, et zik par rapport à la musique qui fait référence au nom de l'album. Artivisme, c'est-à-dire art et activisme. En français, plus compliqué, on aime dire le militantisme sociopolitique porté par l'art. Et ciné-réflexe, cinéma-réflexion. Les objectifs sont simples, c'est à travers des documentaires, revenir sur des personnalités qui ont marqué le monde africain, mais en même temps réfléchir aussi sur des questions contemporaines. Ne pas faire de l'histoire pour rester dans le passé, mais faire de l'histoire pour comprendre le présent et mieux appréhender l'avenir. Donc Artivisme a été lancé depuis 2009 et chaque 3 mois, chaque trimestre, on essaie de projeter un documentaire sur une personnalité qui a marqué le monde africain, le monde noir. Pas forcément une personne noire, de peau je veux dire, mais quelqu'un qui a marqué le monde noir. Donc on a eu 17 chapitres déjà de passé. Pêle-mêle, on a eu des gens comme Ben Barka qui est maghrébin, Che Guevara qui vient d'Amérique latine mais qui est parti combattre au Congo auprès de Kabila et autres à l'époque, donc qui trouvait sa place dans ce panel-là. Mais des gens moins connus comme Félix Moumier, Angela Davis, qui ont fait de grandes choses pour l'Afrique. Ciné Reflex, la différence avec Artivisme, c'est plus des documentaires sur des situations contemporaines. C'est pas sur des personnalités à proprement dit, mais voilà, on peut faire un documentaire sur la guerre d'Algérie, on va réfléchir sur ce qui s'est passé. On peut faire un documentaire sur Focard, qui est Focard aujourd'hui, toutes les luttes qui se font. Est-ce que même les politiques, est-ce qu'ils connaissent Focard, même s'il n'est plus là? Est-ce qu'ils comprennent les stratagèmes qui étaient utilisés par le passé pour infiltrer des réseaux, pour faire tomber des chefs d'État, etc.? Parce que tant qu'on ne comprendra pas toutes ces choses-là, toutes les formes de lutte qu'on pourrait mettre en place ne réussiront pas. Donc voilà, pour nous, l'essentiel, c'est de rassembler des jeunes, réfléchir sur l'Afrique. C'est comme université du peuple, où voilà, c'est des choses qui ne sont pas enseignées à l'école. Mais entre nous, de manière vraiment intimiste, de manière non professorale, entre nous, s'asseoir et discuter autour des questions qui nous concernent. Alors, la dernière édition de Ciné Reflex a eu lieu en janvier 2013. Justement, elle était consacrée à Focard, l'homme qui dirigeait l'Afrique. Alors, c'est très intéressant puisque je rappelle que ces activités que vous menez avec les jeunes, avec le peuple africain, vous les menez en réalité au Togo. Vous les menez à Lomé, ou dans un centre culturel dont vous pourrez éventuellement dire le nom si vous le souhaitez. Et le cas du Togo est très intéressant puisque c'est l'un des pays considérés comme dans le précaré de la France, avec un régime qui est présent depuis un certain temps, dont l'arrivée au pouvoir n'est pas forcément connue. Je pense notamment à la figure de Sylvanus Olympio. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire comment justement l'histoire du Togo, l'histoire du premier président togolais est connue ou pas connue? Enfin, quelles sont les réactions finalement des jeunes d'aujourd'hui? Est-ce qu'ils connaissent un peu cette histoire-là ou est-ce qu'ils sont complètement lobotomisés? Je pense qu'on est tous complètement lobotomisés et je pense que même moi, au départ, j'ai commencé à faire mes recherches et je suis que j'ai commencé à trouver des choses. Et je me suis dit, je ne peux pas garder ces choses pour moi. Voilà, je pense que le rap même, c'est à ça qu'on commence par là. C'est-à-dire, tu te poses des questions, pourquoi ci, pourquoi ça, et voilà. Revenons sur la question du Togo. Moi, je me rappelle bien qu'à l'école primaire ou au collège ou à l'université, l'histoire du Togo nous dit simplement que Sylvanus Olympio a été assassiné le 13 janvier 63. Par qui? On ne sait pas. Pourquoi? On ne sait pas. C'est à travers mes propres recherches que j'ai compris que voilà, 2 jours avant son assassinat, il voulait battre une monnaie pour le Togo, quitter le CFA. Il voulait avoir un port autonome pour le Togo en eau profonde. Les Français n'étaient pas d'accord parce qu'ils se disaient qu'au Bénin actuel, l'ancien Dahomey, il y avait déjà un port et pour eux ça servait, etc. Donc voilà, cette histoire n'est pas connue. Donc on s'associe avec des centres. Le Ciné Reflex, par exemple, se fait au centre culturel d'Eniba, qui est pour moi le grand centre privé qui a, de cette envergure qui est à Lomé, qui a accepté de nous accueillir. Voilà, et dirigé par un humoriste engagé qui s'appelle Frédéric Gabara, que je respecte beaucoup. Et voilà, donc ça se fait là-bas. Ciné Reflex, on parle tout à l'heure de Ciné Reflex d'Artivisme. La différence avec Artivisme, c'est que c'est itinérant. L'idée pour nous, c'est pas de rester forcément dans un endroit, mais d'aller dans d'autres capitales africaines. On était à Paris parce que pour nous, la diaspora a un rôle important à jouer dans l'édification des 7 États-Unis d'Afrique que nous appelons de tous nos voeux. Et sans la diaspora, on pourra pas faire grand-chose. Donc voilà, l'histoire du Togo, elle est mal connue par les Togolais. L'histoire de l'Afrique, elle est mal connue par les Africains, parce que cette histoire, malheureusement, n'est pas écrite par des Africains. Et aujourd'hui, on essaie de se le réapproprier à travers ces films documentaires, à travers des livres. Parce que là, on a parlé de 2 projets, Ciné-Reflex et Artivisme, mais il y a un autre projet qui s'appelle La Feuille et le Papier, où nous essayons de revenir sur des bouquins importants que nous devons lire, qui ne sont pas forcément au programme à l'école, comme Africa Must Unite de Kwame Nkrumah, comme comment et le comment voilà how Europe underdeveloped Africa de Walter Rodney, tous les livres de Cheikh Anta Diop, tous sans exception, Césaire, le voilà, discours sur le colonialisme qui est pour moi un livre de chevet, voilà toutes ces choses là qui ne sont pas dans le programme scolaire mais qu'on doit lire pour comprendre le monde dans lequel on vit, qui est un monde sans pitié et où l'Afrique ne se fera une part que si elle comprend comment les choses passent. Très bien. Alors vous avez, je crois si je ne me trompe pas, vous avez grandi au Togo et dans votre album, il y a deux dates qui reviennent un peu de manière autobiographique. Il y a le 5 octobre 90 et le 25 janvier 93. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi finalement ces deux dates ont réveillé en vous une conscience militante alors que vous étiez certainement très jeune à cette époque-là? Oui, c'est la première date, le 5 octobre 90, c'est un peu considéré comme notre révolution française en gros. Mm-hmm. C'est-à-dire c'est à partir de cette date-là où la démocratie a été amorcée au Togo. On savait tous qu'après la chute du mur de Berlin en 89, à gauche et à droite dans tous les pays africains, il y avait ce sursaut pour la démocratie. Donc en gros, pour la petite histoire, moi j'étais à l'école primaire, je suis rentré à la maison parce qu'il y avait des coups de feu à gauche et à droite. Mais quand j'ai fait mes recherches, j'ai compris en fait qu'il y avait des tracts qui étaient écrits par des étudiants. Et le jour-là, le 5-90, il y avait leur procès. Et voilà, ça, et des partis politiques se sont mêlés pour que, voilà, que tout ce qui se passait, que personne ne disait sous couverture de la guerre froide, qu'on puisse comprendre tout ça. Voilà. Et pour moi, le morceau-là, je l'ai écrit juste parce que je voulais savoir ce qui s'est passé, comme beaucoup de Togolais, parce que ce n'est pas enseigné. Le 26 janvier 1993, c'est-à-dire 3 ans après, c'est une date sanglante au Togo. Jusqu'à présent, on essaie encore d'identifier ceux qui ont fait ce carnage-là, parce qu'il s'est passé. Des gens bougeaient à la main, manifestaient, parce qu'il y avait des représentants de l'Union européenne qui étaient au Togo pour montrer ce qui se passait vraiment au Togo. Et on a tiré à balles réelles dans les foules. Il y a eu beaucoup de morts le jour-là. Jusqu'à présent, on cherche encore qui l'a fait, qui a donné l'ordre, etc. Et pas plus tard que l'année dernière, quand il y avait le processus vérité, justice et réconciliation, où des acteurs politiques qui étaient impliqués dans ces choses-là sont... Il y a eu encore des révélations. Certains ont dit qu'on n'était pas impliqué, etc., etc. Mais en gros, pour nous, j'ai immersé cet acte-là parce qu'il faut qu'on comprenne notre histoire. Quels sont les tenants, quels sont les aboutissants. Tant qu'on n'aura pas... On ne pourra pas discuter de ces choses-là. Comprendre qui a fait quoi. Pardonner, juger, mais comprendre pour pouvoir bâtir le présent, on va faire que des châteaux de sable et ça ne nous mettra pas loin. Ça nous emmènera pas loin. Alors, Ilium Vance, vous êtes Togolais. J'imagine que vous êtes aussi un peu béninois. Et vous vivez au Ghana. Donc ça, c'est très intéressant. Vous êtes finalement dans le pays de Kwame Nkrumah, donc le père du panafricanisme. Justement, j'aimerais que vous nous parliez un peu de votre expérience ghanéenne. Quelle est en fait la vision anglophone sur tout ce qui se passe dans le monde francophone? Et est-ce que vous pouvez également nous dire un peu quel est votre rapport au bilinguisme français-anglais, d'autant plus que l'entretien que nous enregistrons sera diffusé au Québec, où cette question du bilinguisme français-anglais se pose également. Donc au niveau de l'Afrique, comment concevez-vous cette question des langues et comment concevez-vous la dimension historique du Ghana par rapport au moins à l'Afrique de l'Ouest? L'Afrique de l'Ouest, pour commencer, moi je me dis qu'au minimum je me réclame du Nigeria en Côte d'Ivoire. C'est tout simplement parce que mon grand-père maternel Yanda vient du Nigeria, Oyo, il fait, et que ma mère est née à Trècheville en Côte d'Ivoire. Donc je me réclame au moins... Donc il y a une palette à jouer. Voilà, pour ne pas rentrer encore dans l'égyptologie pour aller jusqu'en Égypte. Revenons sur le bilinguisme. Moi, je vis à Accra depuis 2 ans à peu près parce que c'est mes activités professionnelles qui m'ont poussé à y aller. Et je pense vraiment qu'il y a un schisme entre le monde francophone et le monde anglophone. Dans quel sens? Dans le sens où il y a plein d'intellectuels ghanéens que je trouve culturellement intéressants qui ne sont jamais allés au Togo ou en Côte d'Ivoire juste parce qu'ils disent « they are speaking French there. They are speaking French ». C'est devenu comme une barrière entre les Africains. Au même moment, moi, ma grand-mère, qui n'est jamais allée à l'école, tout le temps, malgré son genou qui lui fait mal, traverse toujours la frontière ghanéenne pour aller commémorer le mariage, des funérailles, etc. Parce qu'elle parle évé. Mm-hmm. Parce que l'évé est parlé au Ghana, au Togo, au Bénin. Mm. Donc, au même moment, c'est-à-dire que nos propres langues qui permettent de nous lier, il y a les langues du colon qui nous divisent. Qui nous divisent, oui. Qui nous divisent. Et voilà, je parle de la musique togolaise simplement. La musique togolaise n'est presque pas jouée dans des bars au Ghana ou dans des... ou à la télé, non. Mais quand c'est de la musique togolaise, souvent c'est quand tu es en français. Mais des fois, il y a des musiques où c'est enlevé qui passent. Il y a des rappeurs comme Ayibé, qui est un rappeur enlevé, qui est bien joué au Togo et au Ghana. Maintenant, après, c'est très compliqué parce qu'au même moment, là, je ramène ça à moi. Des fois, on me dit, mais pourquoi tu rappes en français? Je dis, je rappe pour que le malgache puisse me comprendre. Mm-hmm. Parce que malheureusement, aujourd'hui, et c'est les résidus ou les conséquences de cette colonisation, fait que malheureusement, le français permet à des Africains de communiquer parce que les langues dans lesquelles ils communiquaient avant, ils les ont oubliées. Donc, au même moment, même si je rappe en français, etc., je reconnais et je n'oublie pas ma langue parce que moi, au Ghana, des fois, je vais quelque part où, voilà, parce que c'est pas tout le monde qui parle anglais aussi. Quand je parle anglais, la personne me parle tui parce que c'est la langue la plus parlée à Accra. Des fois, je parle éveillé, la personne comprend et dit, mais pourquoi tu m'as pas commencé à me parler éveillé pour commencer? Donc, c'est ça. C'est, je pense qu'il y a un gros travail de la langue à faire. C'est un travail qui va être énorme, mais qui est important parce que, voilà, au lieu, nos langues, nos propres langues nous mettent ensemble, mais les langues du colon nous divisent. Et justement, donc, on a parlé de la question linguistique, également un peu de la question frontalière, qui sont vraiment des éléments centraux dans l'idée d'aller vers les États-Unis d'Afrique, d'aller vers l'unité continentale. Et je voudrais aborder maintenant le troisième aspect qui est lié plus à votre pratique professionnelle, on va dire. Dans votre album, vous parlez souvent de défense, d'accords militaires. Votre premier EP s'appelait « Légitime défense ». Donc cette question de la défense continentale, cette question de la sécurité des États africains, comment la concevez-vous aujourd'hui, au XXIe siècle, à l'heure où justement la menace se fait de plus en plus précise, où il se passe des choses extrêmement graves au Mali, où il se passe des choses dans beaucoup d'autres régions d'Afrique, où on se rend compte que les pays africains n'ont absolument pas les moyens de se défendre face à une simple agression menée par des rebelles? Comment voyez-vous tout cela et quelles perspectives ou solutions verriez-vous? Tout d'abord, comme vous venez de dire, le constat est que la plupart des pays francophones ont des coopérants français, la plupart des pays anglophones ont des coopérants britanniques ou américains, et l'exemple de la Côte d'Ivoire, l'exemple du Mali surtout, nous montre que toutes ces formations qu'on donne à nos militaires ne servent pas à grand chose dans la mesure où des rebelles peuvent venir sortir de n'importe où et faire face et faire tomber des armées entières. Donc, partant de ce constat, moi je pense qu'aujourd'hui, il est important de relire Kwame Nkrumah. Voilà, parce que je pense que c'est des personnes qui, peut-être parce qu'ils ont connu vraiment la lutte, ont compris comment le système fonctionnait. Je suis de ceux qui pensent aujourd'hui que l'Union africaine telle qu'elle est doit être reformée. Pour qu'en fait, il y ait une armée africaine qui puisse défendre le territoire africain. Parce que les menaces contre l'Afrique, c'est pas... Il y a des menaces internes, certes, mais il ne faut pas qu'on oublie les menaces externes. Je pense que si l'Europe, aujourd'hui, se bat pour avoir une politique européenne de défense, alors qu'elle fait partie déjà de l'OTAN, qui est censée la protéger, etc., qui dénonce l'unilatéralisme américain, ça doit faire réfléchir les Africains. Donc comme solution, moi ce que je pense que déjà il y a la force en attente au niveau de l'Union africaine où ils vont essayer de former des brigades dans toutes les grandes zones africaines. Mais la question de l'opérationnalité, c'est-à-dire les moyens, les capacités vont toujours revenir dans la mesure où les États africains ne fabriquent pas des armes. Moi je vais loin. Si demain l'Europe attaque l'Afrique, qu'est-ce que l'Afrique ferait? C'est une hypothèse. Mais je pense que nous, Africains, on doit pousser notre sagacité intellectuelle jusque-là. Pour savoir que jusqu'à demain, on peut nous attaquer. Donc, moi, je pense qu'il va falloir peut-être revoir des accords qu'on a signés pour ne pas fabriquer des armes ou des choses comme ça. Je pense que l'Afrique doit se doter de l'arme atomique. C'est triste. 17 hommes diront que, voilà, je ne suis pas pacifiste, mais je pense que, voilà, la force ne respecte que la force. Et je pense que tout cela doit se faire dans un cadre consensuel entre Africains et même entre autres partenaires, que ce soit européen, que ce soit chinois, que ce soit américain, mais juste pour qu'il y ait une égalité, pour que le rapport de force ne soit pas trop inégal. Parce que tant que le rapport de force sera inégal, je pense que l'Afrique sera piétinée, écrasée à tout va. Donc voilà, je ne veux pas donner toutes mes idées aussi ici, sûr, mais en gros, sûr, les gens peuvent suivre mon regard. Quoi. On comprend tout à fait. Également, un dernier point que j'ai vraiment beaucoup apprécié, il y a beaucoup de choses à souligner dans votre album, il y a des références vraiment très intéressantes, très originales, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'à la fin de l'album, il y a un documentaire audio sur les campagnes togolaises. Et j'aimerais un peu connaître les raisons de ce documentaire à la fin de votre album. Quel était le but? Pourquoi vous l'avez mis? On a commencé cette interview en parlant de griots contemporains. Moi, je suis un peu béninois aussi, dans la mesure où je suis un peu béninois aussi. Et j'aime bien, il y a un terme en fond qui dit, on dit les paligans. Les paligans, c'est les gens qui perpétuent la mémoire. Et pour moi, c'est important aujourd'hui que ce CD-là, si dans 100 ans après, s'il est écouté, que les gens puissent comprendre un peu pourquoi j'ai écrit tout cet album-là. C'est le dernier morceau qui est, c'est pas le morceau, mais c'est la piste cachée qu'il y a sur l'album, mais qui pour moi est le pilier de tout l'album. Pourquoi est-ce que je fais tout ça? Venez voir ce qui se passe chez nous. Venez voir les valeurs qu'on a. Venez voir aussi les dérapages qu'on a. L'état de notre société, je le dénonce aussi. Tout n'est pas beau chez nous. Donc voilà, pour moi, c'est surtout pour perpétuer cette mémoire-là. Parce que je pense que ce documentaire-là, dans 100 ans, va servir peut-être d'archives pour des recherches, d'archives pour comprendre un peu notre époque. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on peut prendre des photos de Béhanzin, on peut prendre des photos de Amilcar Cabral. Bon, Amilcar Cabral encore, on a encore des éléments de Prempeh, etc. Mais malheureusement, on n'a pas forcément des vidéos ou des données audio sur ces personnes-là. Et je pense que par rapport à l'histoire, ce que nous faisons sur disque aujourd'hui, parce que nous allons partir, ces choses vont rester et seront exploitables dans 100 ans, dans 200 ans. Et c'est tout le projet de l'album, des dates qui sont revenues, des personnes qu'on cite, c'est pour perpétuer la mémoire. C'est très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire un dernier petit mot sur la suite, sur vos prochains projets? Le prochain projet va s'appeler Indigo. Indigo par rapport à la couleur de l'homme noir, parce que l'homme noir, il n'est pas noir, il est bleu foncé. J'aime bien ce terme-là. Le blues, quoi, c'est-à-dire on est bleu foncé. Et c'est ça, Indigo, c'est la 7e couleur de l'arc-en-ciel qu'on ne voit pas à l'œil nu. C'est tout le travail que des gens comme vous, des gens comme votre radio, des gens qui tiennent votre radio, toutes ces personnes qui se battent, qui font, mais qui ne sont pas reconnues à leur juste valeur, qui ne sont pas vues parce que pas exposées sur les grandes chaînes, mais qui font un travail titanesque pour que le monde soit tout simplement meilleur. Donc Indigo va arriver, des livres aussi, et je crois que voilà, on va se lancer dans l'écriture des thèses aussi, parce que c'est important. Donc, merci beaucoup, Elon Kossi. Donc je rappelle que vous êtes un activiste engagé, panafricaniste, militant, installé au Ghana, originaire du Togo, actuellement de passage à Paris. Donc je vous remercie beaucoup pour tous ces éclaircissements. Je suis donc Hamzat Boukari Yabara. Vous écoutez Amandla, l'émission bilingue produite par le GRILA, le groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique, diffusée sur CKUT 90.3 FM. Restez à l'écoute.